France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Au cours des guerres naissent de monstrueuses affaires criminelles. En voici une et des plus célèbres, une classique pour tout dire. Il s'agit d'un homme qui s'exprimait très bien, qui n'était pas un imbécile, un peu obséquieux, coquet, présentant bien, de grands yeux noirs et fuyants, qui ne semblait pas désirer la victoire de la France. Oui, nous étions en guerre, et en guerre, on ne s'étonne peut-être pas autant qu'il le faut des disparitions. André Désiré était ses prénoms, Gambet était le lieu de ses exploits. Soyez témoins, première diffusion sur la chaîne parisienne le 4 avril 1956. Soyez témoins, une émission d'André Gillois. Comme nous vous l'avons annoncé, nous allons ce soir consacrer notre émission à l'évocation de l'affaire la plus retentissante du siècle, l'affaire Landru. Le personnage de Landru est à ce point impressionnant qu'il a inspiré, vous le savez, le film de Charlie Chaplin, Monsieur Verdoux, et il a été exploité dans un grand nombre d'articles, de récits. Il a été photographié, il a été dessiné et il a été vu par beaucoup de gens. Il ne peut pas être question de reconstituer un procès au cours duquel on a entendu quantité de témoins pendant 26 audiences. Si je dis que l'acte d'accusation comportait 76 feuillets dactylographiés, on voudra bien penser qu'il est inutile de tenter l'historique de l'affaire. Et ce que je proposerais aux témoins, c'est surtout d'essayer de nous représenter ce personnage qui est resté pour beaucoup si énigmatique. Je rappelle qu'il a été arrêté le 12 avril 1919, mais chose étrange, les journaux n'en ont parlé que le 15 avril. Et ils en ont parlé à la suite d'une enquête menée par deux journalistes qui ont été sur place à Gambet, qui ont interrogé les gens de cette petite ville et qui ont ensuite révélé au public cette affaire si extraordinaire qu'elle a éclipsé pour l'opinion les travaux de la conférence de la paix qui se déroulait au même moment à Versailles. Eh bien, ce Landru, qui avait 11 crimes sur la conscience, avait donc une villa à Gambet, comme chacun sait, et un matin d'avril, Claire Guyot, qui était journaliste à ce moment-là, est partie, comme il le faisait tous les jours, pour aller à Versailles. Mais je vais lui demander de nous raconter lui-même son aventure, comment en somme il a découvert l'affaire Landru, et je lui demanderai aussi, comme il l'a suivi et qu'il a fait la première enquête, de nous donner un court résumé pour permettre à nos auditeurs de suivre avec plus d'intérêt les divers témoignages que nous entendrons ensuite et qui se rapportent à toutes les phases de l'affaire, depuis l'arrestation de Landru jusqu'à son exécution capitale. Peut-être me jugera-t-on prétentieux, ou bourreur de crâne, si je déclare avoir été le premier à révéler au grand public ce qui allait devenir l'affaire Landru. Mais j'ajoute en toute bonne foi que je le dois à un hasard réjouissant pour un vieux journaliste qui reste un souvenir typique de ma longue carrière. En avril 1919, je prenais chaque matin, à la gare Montparnasse, un train qui s'arrêtait à Versailles où j'allais professionnellement chercher les informations ou récolter quelques échos des démêlés entre les délégués français ou allemands réunis pour la préparation du traité de paix après la guerre 1914-1918. Un matin, c'était le 14 avril, j'étais installé dans mon compartiment, le train s'ébranlait déjà, lorsque la portière s'ouvrit brusquement, et qu'un voyageur essoufflé se laissa tomber sur la banquette en face de moi. Je reconnus aussitôt un de mes confrères, alors collaborateur à un des grands quotidiens disparu depuis, un charmant garçon, que je n'avais pas rencontré depuis longtemps. Il n'était pas du lot de ceux qui, comme moi, allaient coller quotidiennement à Versailles. Échange de confraternels compliments cordiaux, Puis, ayant repris le rythme normal de son souffle, mon confrère me demanda d'un air à la fois surpris et déçu, qui ne m'échappait pas, « Vous allez à Gambet ?» Je croyais pourtant bien être le seul averti de cette mystérieuse affaire que notre correspondant local particulier vient de nous signaler. Si ce n'est pas un canard, avouez que c'est une affaire qui fera du bruit. Un geste évasif fut ma seule réponse, car j'avais déjà flairé l'aubaine d'un reportage exclusif, ou à peu près. Ma résolution était prise de ne plus lâcher mon imprudent confrère, vraisemblablement riche d'une information sensationnelle, et de négliger pour une fois Versailles, qui était d'un rendement généralement nul, que je saurais repêcher au besoin. Versailles dépassé, je me laissais aller vers l'inconnu. Comme le train stoppait en gare de Houdan, mon confrère descendit et je le suivis. Il s'inquiéta subitement lorsqu'il me vit payer le supplément pour le trajet Versailles-Houdan, car je n'avais naturellement qu'un billet jusqu'à Versailles. Il me posa alors des questions si gênantes pour moi qu'elles amenèrent l'aveu de ma rouille. Notre vieille amitié fut qu'il en rit de bon cœur, non sans gratifier cordialement de quelques sévères qualificatifs courants en pareille circonstance. Puis sans rancune, il me déclara « Maintenant, il s'agit de trouver une voiture pour aller jusqu'à Gambet. » Dans l'auto, qui sous une pluie battante fonçait dans la campagne, nous établîmes un plan pour notre enquête. Profitant d'une accalmie de la pluie, nous étions allés voir d'abord la maison du crime. C'était de ces affreux chalets de style banlieusard qui déshonorent tant de sites enchanteurs de l'Île-de-France. Un bâtiment principal d'un étage sur cave surélevé, dominé par une cheminée qui allait figurer au premier plan dans les scènes supposées de la tragédie. Au fond du petit terrain qui forme jardin, un autre modeste bâtiment, les communs. Les pièces étaient vides de meubles, mais souillées de débris de bois, de linge, de poussière de charbon. Les derniers visiteurs, les policiers venus 2 jours plus tôt pour une perquisition et le déménagement du mobilier, avaient laissé les portes ouvertes. C'était là le décor du drame qui s'y déroula durant près de 4 années. C'est en effet au cours de l'été 1915 qu'un homme élégamment mis, paraissant âgé d'une 50aine d'années, portant une barbe extraordinairement noire, qui devait rester célèbre, arrivait en automobile à Gambet, le coquet village situé aux confins de la forêt de Rambouillet, à 6 kilomètres de Houdan. Après avoir visité plusieurs maisons, l'inconnu en louait une, celle que nous venions de visiter, situé à environ 200 mètres du centre du village. On apprit vite à Gambet que la maison était louée, mais sans connaître le nom du locataire. Bientôt, on se surprit de constater que les volets du pavillon demeuraient toujours clos. Pourtant, le locataire y était vu, arrivant le plus souvent en automobile, quelquefois aussi à bicyclette. Chaque fois, il était accompagné d'une femme, pas toujours la même, mais... De belles femmes assuraient d'un air extasié les bons gambésiens qui les avaient vues. En 1915, une grande forte et brune, puis l'année suivante une plus jeune très gaie, puis d'autres encore certifiaient nos informateurs bénévoles. Un jour, pour une formalité administrative, la municipalité eut à connaître l'identité du Parisien. On apprit ainsi que l'homme à la barbe noire avait répondu s'appeler Georges Dupont, ingénieur, s'occupant de construction d'automobiles et habitant Paris. En janvier 1919, Georges Dupont était revenu à Gambet. Il était cette fois avec une femme grande et forte, qui avait avec elle 2 petits chiens griffons. Pas plus que les autres précédemment, cette femme ne fut pas vue quittant la maison. Comme toujours, Georges Dupont allait lui-même acheter les provisions dans le village. Le lendemain de son arrivée, l'ingénieur repartit seul. Tout cela faisait jaser, mais on concluait, ce Parisien est un original. Un jour, la situation se compliqua. À la mairie de Gambet, on reçut des lettres de parents demandant si, sur les livres d'état civil, on avait enregistré le décès dans la commune d'une dame veuve Colomb, ancienne cuisinière, âgée de 45 ans. Puis de Madame Céline Lacoste, ancienne cuisinière également, et de 2 autres femmes encore. Chose étrange, les signalements communiqués à la mairie correspondaient à ceux des femmes venues avec Georges Dupont. On précisait que ces femmes étaient allées à Gambet avec un nommé Natier, disait une famille, Cruchet, déclarait une autre, frémiait, révélait une troisième. Chaque fois, le signalement de ces individus était identique à celui de Georges Dupont, avec comme signe distinctif la barbe noire, naturellement. La police s'inquiéta. Après de longues démarches, la cadette de la dame Lacoste, une des disparues, fut un jour désignée à des inspecteurs de la sûreté, l'ingénieur qui fut filé. On découvrait ainsi que Dupont habitait à Paris, 76 rue Rochechouart, et dans les archives judiciaires, on retrouva une fiche le concernant, car de différents parquets de province, on avait lancé contre lui des plaintes pour abus de confiance pendant des ventes d'automobiles. L'identité de cet étrange individu était réellement André Désiré Landru, dit Émile ou Georges Dupont, qui avait été arrêté et condamné à 3 ans de prison. Il n'y avait donc pas de ménagements à prendre, et Landru, dit Dupont, Natier, Cruchet, Frémier, fut arrêté à son domicile où il habitait alors avec une jeune femme. On le conduisit dans la maison de Gambet pour une perquisition. On y découvrit un inimaginable désordre, des meubles pêle-mêle, du linge de femme, des vêtements, des étuis de revolver, des douilles de cartouches, un fusil. Des malles, dont l'une aux initiales CL, n'est-ce pas celle de ces îles Lacoste, demandèrent les policiers. De plus, cette malle venait de Bayonne, le pays de la disparue. À cette question gênante pour lui, Landru répondit « Cherchez, n'en sais rien ». Puis, découverte troublante, on trouva sous un tas de feuilles mortes dans le jardin les cadavres des deux petits griffons amenés par la femme venue à Gambet 3 mois plus tôt, en janvier. « Je les ai tués sur la demande de cette dame, » dit Landru. Au cours de ma rapide enquête à Gambet, la déclaration d'un habitant m'avait frappé. L'épaisse fumée noire qui sortait de la cheminée, longtemps même après le départ du locataire du pavillon. Et ce détail encore, l'ingénieur apportait souvent dans ce auto d'énormes sacs de charbon dont on n'avait pas trouvé trace. Alors, l'assassin brûlait ses victimes, c'est l'hypothèse qui prévalut pour expliquer la disparition, au moins partielle, des cadavres des malheureuses femmes qui avaient été brûlées dans un gros fourneau dit cuisinière. C'est encore le jour de mon enquête imprévue sur les découvertes macabres faites à Gambet que je vis Landru alors qu'il sortait du cabinet du juge d'instruction. Il ne me parut pas très grand, mais râblé, large calvitie, yeux noirs étrangement perçants sous d'épais sourcils, et puis cette barbe soigneusement taillée et débordant en carré sur le haut de la poitrine. Mais dites-moi, puisque vous avez été à Gambet, que vous avez parlé avec les habitants de ce petit village, lesquels vous ont dit avoir vu, par exemple, Landru venant faire ses provisions lorsqu'il était, est-ce qu'ils vous ont donné des détails sur les conversations qu'ils avaient avec Landru ou... Non, je vous dirais que j'ai eu l'impression que Landru parlait peu. Il ne donnait pas d'explication sur ses départs, ses arrivées, il ne disait rien. Écoutez, il n'avait pas à en donner, je sais pas, il vivait là un peu à l'écart, je sais pas, vous savez comme sont les paysans. Il payait ce qu'il achetait, il y avait des choses qui étonnaient les paysans, mais il n'en disait rien. Il ne posait pas de questions. Il ne posait pas de questions, il n'avait pas eu l'idée, personne, pas plus eux que les autres, de se suspecter ce qui se passait dans cette maison, un peu isolée du village. Non, mais sans suspecter, ils auraient pu en effet se poser des questions, ils se les posaient sans doute. Puisqu'ils voyaient arriver les femmes avec Landru, ils auraient pu s'étonner de ne pas les voir repartir avec lui. Oui, c'est curieux. Mais vous savez, je crois qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout curieux dans la campagne. Puis si la maison était un peu isolée, ils pouvaient partir avec sa camionnette, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, ils pouvaient ignorer, même qu'elle ne repartait pas, ils pouvaient ne pas le voir. Vous savez, sa camionnette, il s'en servait surtout pour faire les déménagements. Oui. Il allait chercher les meubles de ses futures victimes, il les vendait, il les déposait même dans un garage qu'il avait aménagé. Dites-moi, monsieur Claire Guyot, vous nous avez dit que vous aviez vu Landru dans les couloirs du juge d'instruction. Mais je voudrais que vous essayiez de nous dire comment physiquement il vous est apparu. Il m'a donné l'impression de ne pas être très grand, mais... Son visage. Son visage, étant donné que cela remonte très loin, je pourrais peut-être faire un rapprochement avec un autre visage d'un individu qui a vu à peu près les mêmes procédés, le dénommé Petiot, le docteur Petiot. Il y avait, et ça on peut le voir même par des photographies, une similitude extraordinaire dans le regard de ces deux hommes. un regard vraiment étonnant, perçant. On raconte que Landru avait un regard fuyant, mais je vous assure que quand il vous regardait, il avait des yeux extrêmement perçants, n'est-ce pas ? Des petits yeux noirs qui brillaient dans votre regard. Donc vous seriez enclin à penser qu'il avait tout de même une espèce de pouvoir dans ce regard qui lui permettait de séduire, mettons, non. Ses victimes. Je crois pas qu'il faut pas enjoliver, je crois, toutes ces histoires de ses rapports avec ses victimes. Je crois que Landru était un homme d'affaires, de petites affaires. Il ne visait qu'un but, dépouiller des braves femmes qui n'étaient pas, d'après ce qu'on a su et ce qu'on a pu voir par des photographies, de très jolies femmes, qui étaient des dames d'un âge déjà respectable, n'est-ce pas, qui étaient enchantées d'avoir une aventure d'amour, parce que certainement que Landru était très tendre, mais toujours avec l'idée de les dépouiller, n'est-ce pas. Maintenant, peut-être à la fin, à force de jouer avec le feu, s'est-il amouraché d'une petite fille qui était plus gentille et plus jeune que les autres, c'est possible. Merci infiniment, frère Clerguillon. Nous allons maintenant entendre un témoignage extrêmement important, puisqu'il fut important même pour le procès. C'est celui de M. Fouillard, qui est à l'origine de l'arrestation de Landru. Alors, M. Fouillard, je voudrais que vous nous expliquiez très complètement cette histoire. Le mieux que je pourrais. C'était en 1915, pendant la guerre. J'étais soldat. Et Mme Buisson, une de ses victimes, était une amie intime à nous, à ma belle-sœur et à moi-même. Mme Buisson nous prévient qu'elle viendrait présenter son futur mari, parce que c'était une veuve. Elle viendrait présenter son futur mari à nous. Donc, c'était au mois de juillet, peut-être, ou 1915, il faisait chaud. Nous avons pris un petit apéritif. Apéritif, si vous voulez. Et Madame Buisson me présente ce monsieur sous le nom de Monsieur Frémier. Nous avons parlé ensemble. Nous avons discuté peut-être pendant une demi-heure. Pendant ce temps-là, je lui ai demandé, tout de même sur ses entrefaites, comment ça se fait qu'il n'était pas soldat. Il me répond, je suis industriel. Il s'en va au bout d'une demi-heure après, une fois qu'il a eu un petit réconfort. Ils s'en vont tous les deux et ils ont espacé leur visite. Mais enfin, j'ai peut-être revu 3-4 fois ensuite. Et moi, j'étais soldat. Finalement, plus de nouvelles de Mme Buisson. Disparue, volatilisée. Impossible de la retrouver. Sa sœur courait après, avait été à la PJ. Enfin, on cherchait partout Mme Buisson. Impossible de la trouver. Les années se passent. J'étais toujours soldat. Je venais d'être opéré au Grand Palais. Et ma femme était venue me voir avec ma belle-sœur à l'hôpital. Et en revenant, au lieu de descendre, puisque nous restions en rue de Rivoli, au lieu de descendre à Saint-Paul ou à Hôtel de Ville, elles sont descendues au Châtelet. Du Châtelet, elles allaient voir les magasins en descendant. Et elles s'arrêtent juste au Lion de Faïence. Je ne devrais peut-être pas donner le nom de la maison. Mais si, au contraire. Elles s'arrêtent juste au Lion de Faïence. Elles regardent les services de table. Qu'est-ce qu'elles voient ? Monsieur Frémier, Landru. Monsieur Frémier avec une jeune femme. Monsieur Landru, émotionné de voir ma femme et ma belle-sœur, il s'est vivement dépêché de finir, faire le choix du service de table. Il est allé à la caisse pour payer et donner son adresse. Et il est reparti en vitesse. Ma femme et ma belle-sœur l'ont suivi au Châtelet et ils voulaient trouver un agent. Pas d'agent. Ils voulaient faire arrêter séance tenante. Pas d'agent. Bon, ils prennent l'autobus ou le tramway, je ne me rappelle plus. Et ma femme les perd de vue. Mais ma femme ne perd pas de temps et retourne au Lion de Faïence pour demander l'adresse. Mais au Lion de Faïence, elle n'a pas voulu lui donner. Secret professionnel. Ma femme et ma belle-sœur sont allées chez la sœur de Mme Buisson, qui travaillait rue du Plâtre, je ne me rappelle plus à quel numéro. Ils coururent chez cette jeune fille et lui dire qu'ils avaient trouvé fameux Frémier Landru. Mademoiselle Lacoste a couru tout de suite à la police au quai des Orfèvres et l'inspecteur de police ne voulait même pas se déranger parce que c'était une chose, n'est-ce pas, qui était... Le hasard. Le hasard, il ne voulait pas se déranger parce que personne ne pensait une chose pareille. Et... Finalement, ils ont été. Mais ils sont allés et alors c'est là qu'ils ont trouvé l'adresse et cet homme qui avait laissé son adresse au lion de faïence. Il avait donné l'adresse, mais il est resté au moins 3-4 jours sans rentrer à l'adresse qu'il avait indiquée. C'est au bout de 3 ou 4 jours, n'est-ce pas, qu'ils l'ont cueilli. C'est ça, ils l'ont cueilli au 76 de la rue Rochechouart, où il était avec la jeune femme qui la seule qui est échappée, puisqu'on l'a arrêtée. Ben oui, sans doute. Oui. Voilà, je voudrais poser une question à monsieur. Le fait que vous avez été tellement, que votre femme et votre belle-sœur ont été tellement frappées en voyant Landru, prouverait que vous avez eu un soupçon. Moi, je n'avais pas de soupçon. Mais nos premières entrevues, après ça s'est arrêté, il m'avait fait une mauvaise impression. Madame Buisson me prend à part, puisque nous étions très amis, elle me prend à part et me demande « Quelle est votre impression, monsieur Georges ?» Je lui dis « Il ne me plaît pas. » Et à chaque fois que je l'aurais vu, ça a toujours été la même réponse. J'ai dit qu'il ne m'était pas sympathique. Et elle, qu'est-ce qu'elle disait? Elle le défendait? Elle le défendait, qu'est-ce que vous voulez? Et c'était une veuve, vous voulez se refaire une situation. Elle avait un garçon qui avait une vingtaine d'années qui était aveugle. Vous comprenez? Et vous voulez se refaire une situation, cette femme. Et alors, je vous dis, après, nous ne l'avons plus revue. Et quand vous ne l'avez plus revue, avez-vous eu un soupçon à ce moment-là? Ah non. Alors, le fait que votre femme et votre belle-sœur aient voulu avoir l'adresse de Landru et étaient tellement frappées en le voyant, ça correspondait à quoi? Ben, parce qu'on voulait savoir où était partie, où était passée Madame Buisson. Et on pensait que lui pouvait le savoir. Il y avait que lui qui pouvait le savoir. Alors ça n'était pas un soupçon, on ne pensait pas qu'il était mêlé à une mauvaise affaire. Non. C'était simplement pour avoir un renseignement tout à fait désintéressé. Tout à fait désintéressé. On ne savait rien. Vous comprenez à cette époque-là. La démarche qui a été faite par votre famille auprès de la police ne venait pas quand même d'un soupçon. C'était simplement un moyen officiel d'avoir l'adresse puisqu'on ne pouvait pas le donner à personne. Pour retrouver Madame Buisson à tout prix. Et dites-moi, puisque vous avez connu Landru, en somme, dans le privé et en liberté... En liberté, d'accord. Il vous avait fait une mauvaise impression. Mauvaise impression. Pourquoi? Il vous avait dit des choses qui vous avaient froissé? Oui, on avait parlé de la guerre, entre parenthèses, et j'avais compris qu'il désirait notre défaite. Alors, ça m'avait indisposé. Il n'était pas pour ce que nous gagnions la guerre. Il était contre... Je dirais contre nous, presque. Il ne désirait pas que nous soyons victorieux. C'est très curieux parce que en 1915, quand vous l'avez connu, il n'avait pas encore commencé. C'est un homme qui avait été condamné pour escroquerie, abus de confiance un grand nombre de fois. Oui. Mais c'est en 1915 qu'il a fait sa première victime. Ce qui est très curieux, c'est que c'est Madame Cuchet qu'il a assassinée au début de 1915, et Madame Buisson, il ne l'aurait assassinée qu'en 1917. Oh, mais il a exercé pendant longtemps. Je vous dis, elle nous a disparu, elle s'est volatilisée, on ne l'a plus revue. C'est ça. On ne l'a plus revue. Les mois ont passé, et puis dans l'intervalle, ça finit par faire 2 ans. Il est probable qu'il menait plusieurs affaires à la fois. C'est possible. Et qu'il lanternait les unes en attendant d'avoir assassiné les autres. Je voudrais poser une autre question au témoin. Est-ce que vous avez le sentiment que Madame Buisson a suivi Landru dans la mesure où il lui plaisait, dans la mesure où il l'avait séduite ou dans la mesure où il avait envie d'en faire sa vie comme une femme qui a un enfant, un grand garçon et qui veut avoir un ami, un compagnon? Elle voulait se refaire une situation parce que je vous rappelle qu'elle avait un enfant, un garçon qui avait une vingtaine d'années. Oui. Et Madame Buisson n'était pas trop âgée. Oui. Que voulez-vous, elle avait la quarantaine. Mais elle devait avoir des petites économies pour ça. Oh, elle était aisée. Madame Buisson était aisée. Et comment est-ce qu'il l'avait trouvée, cette Madame Buisson? Mais voilà. Les annonces, toujours. Sans doute. Elle ne vous l'a pas dit. Ah non, ça ne nous l'a pas dit. Elle ne vous a pas dit, il me plaît, il est séduisant, il est agréable. Non. Moi, j'ai eu la conviction, n'est-ce pas, que c'était pour se refaire une situation. Et alors, dans le privé, comment se comportait-il? Vous nous avez dit qu'il vous avait parlé de la guerre d'une façon qui vous avait déplu, mais au cours de cette première demi-heure que vous avez passée, est-ce qu'il a essayé de faire du charme? Il parlait très bien, il s'exprimait très bien, et ce n'était pas un imbécile. Mais ce que je lui reprochais, qu'il était trop obséquieux. Vous savez, il était trop poli pour être honnête. C'était contre moi, je ne pouvais pas accepter ça. Je n'aime pas les gens qui sont trop obséquieux. Oui. Et ça m'avait choqué. Est-ce qu'il faisait beaucoup la conversation? Est-ce qu'il faisait beaucoup de frais auprès de Madame Buisson? Pas très, mais il était charmant, on ne peut pas dire, il était charmant. Et il avait l'éducation. Ça se passait au café? Non, ça se passait chez nous. Il était chez vous. Il était chez nous. Il vous a dit qu'il était industriel. Industriel. Et je ne me rappelle plus à quel endroit. En effet. Nanterre ou Levallois, je ne me rappelle plus, vous savez, depuis... Industriel est industriel. Maître de force. Monsieur Fouillard, je voudrais vous poser encore une question ou deux. Avec plaisir. La première, est-ce que vous pourriez nous donner une description physique de Landru? C'était un brun, un beau bouc, bien soigné, coquet, bien, bien comme homme, bien. Oui. Je vous assure, bien. Chauve. Ah oui, il n'avait pas beaucoup de cheveux sur la tête. Mais enfin, présentant, bien, une belle présentation. Et les yeux? Les yeux noirs. Et vous ne regardez jamais en face. Jamais, jamais je pouvais le fixer dans les yeux. Si je ne pouvais pas. Et les femmes, ils ne les regardaient pas en face? Non. Alors, mais il était chez nous, n'oubliez pas qu'il était à la maison. Alors, autre question. Vous avez sans doute été appelé à témoigner. Non, on ne nous a pas sollicité. D'ailleurs, j'avais dit à ma femme, parce que ma femme et ma belle-sœur sont revenues me voir au Grand Palais, et je leur avais dit qu'il fallait qu'ils laissent ça de côté, parce que je ne tenais pas vis-à-vis de ma famille. Vous savez, à cette époque-là, ce n'est pas comme aujourd'hui. Des fois, vous avez dans les familles qui ne tiennent pas à ce que notre nom serve de pâture dans la presse. Oui, bien entendu. Et alors, vous n'avez même pas été à aux audiences? Si, ma femme y a été. Alors... Et ma belle-sœur, ils sont allés. Mais la cour, aussi bien que le public, ne s'est pas aperçu des regards que Landru avait jetés à ma femme et puis à ma belle-sœur. Et nous, ils n'y sont pas retournés. Il leur a fait peur? Oui. Elles n'y sont pas retournées. Personne n'a vu. Ils n'ont pas eu peur, si vous voulez, mais ils ont été impressionnés par ce regard. Il les a reconnus et regardés. Oh, parce qu'ils reconnaissaient ma femme et puis ma belle-sœur, forcément. Mais bien sûr, puisqu'il avait été prendre un petit verre chez elle. Quatre fois, cinq fois. Et puis c'est eux qui l'avaient fait arrêter là-bas au Lion de Fagnon. Ils le savaient très bien, vous comprenez. Naturellement. Mais alors, ce regard, il paraît, vous assurez, moi j'y étais pas, il paraît que le regard qu'il leur a lancé, ils n'ont pas vu y retourner. Merci infiniment, monsieur. Tout à l'heure, monsieur Fouillard faisait allusion à la dernière jeune femme qu'ait connue Landru. Elle s'appelait Fernande Segret. Nous allons maintenant demander son témoignage à monsieur Kléber Rollo, qui m'a écrit pour me dire qu'il avait connu cette Fernande Segret et qu'il avait connu Landru lui-même. Vous les avez donc connus, monsieur, tous les deux? J'ai connu particulièrement Fernande Segret parce que c'est une relation de famille. Nous étions voisins avec la famille Segret, notre voisin de pays, parce que de quartier, quoi. Oui. Parce que nous habitions le 18e. Moi, nous habitions rue Ramet, et puis Fernande Segret habitait 7 rue Custine, avec ses voisins. Et alors, vous la connaissiez avant qu'elle ne connût Landru? Ah oui. Je la connaissais avant, parce que, justement, nous l'avions reçue chez nous, quand j'étais en permission. Et puis, à ce moment-là, quelque temps après, elle vient à la maison nous dire qu'elle était fiancée avec un soldat du 134e d'infanterie. Ah, elle me fait part de ses émotions, la guerre ne finissait pas, elle s'ennuyait, etc. Alors, je dis, oh, ben, faut attendre, c'est encore quelques années. Moi, qu'il est vivant, c'est l'essentiel. Alors, il va rentrer, j'ai essayé de la consoler le mieux possible, quoi. Alors, elle revient quelques temps après, elle me dit, pas longtemps, peut-être une huitaine de jours, elle me dit, je vais me fiancer avec un monsieur, ingénieur, et nous allons partir pour l'Argentine. Tiens. Alors, moi, partir pour l'Argentine, ça m'a fait une mauvaise impression, parce que j'avais beaucoup de sympathie pour Fernande. Et je dis, oh ça... Je dis à ma femme, c'est une question de mauvaise fréquentation, ça. C'est malheureux. Une fille qui va tourner mal, à mon avis, ce que je pensais, quoi. Vous pensez que c'était la traite des Blanches? Ah, mon jugement après. Mais je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas raconté à Pierre Apol. C'est entre nous, c'est en moi-même que je dis ça. Ça, c'est un trafiquant de la traite des Blanches. Ça a été votre impression? C'est mon impression première. Et alors ensuite, vous avez fait sa connaissance? Eh bien alors, quelques jours après, je descendais la rue Poulet, au coin de la rue Clignancourt, je rencontre Fernande qui m'appelle, qui me présente M. Frémiet. C'est Landru. Alors, comme j'avais mauvaise impression de lui, j'ai fait un recul, si vous voulez, mais enfin, je l'ai regardé comme ça, fixement. Alors, j'ai vu ses yeux, son type d'homme, qui me donnait une mauvaise impression. Des yeux noirs, très rentrés, puis alors, il avait des cils proéminents qui en faisaient une profondeur de ses yeux. Un regard fuyant. Puis alors, profond, quand même. Une barbe bien soignée, un chapeau noir, par-dessus noir, je l'ai bien détaillé. Alors, justement, il cherchait à ce moment-là un garage pour entreposer des meubles. C'est pour entreposer parce que nous allons partir en Argentine. C'est tout. Je ne dis plus rien. Qu'est-ce que les... Moi, comme je partais dans le midi 2-3 jours après. Alors, je suis parti dans le midi, n'est-ce pas, quelques jours après, puis je n'ai revu, je n'ai jamais revu Fernand, puisqu'il a été arrêté, oh, je ne sais pas, 15 jours après. Ah bon, c'était dans les derniers temps, donc. Ah, c'est les derniers temps, c'était 15 jours avant qu'il ne soit arrêté. Donc, il avait fait la connaissance de Fernand Segret très peu de temps avant. Oh, il n'y avait pas longtemps qu'il la connaissait, il y avait peut-être un mois et demi, 2 mois, pas plus. Bon. Oui. Et alors, elle en parlait avec beaucoup de chaleur. Ben oui, c'est pas qu'amour, vous savez, c'était plutôt avec la manière de se faire pour une jeune fille, n'est-ce pas, qui avait été abandonnée, qui n'avait pas de relation, comprenez-vous, elle avait combien, 27, 28 ans à cette époque-là. Alors, c'était tout le moment d'avoir une société, etc., n'est-ce pas. Les hommes étaient tous partis à la guerre, ils n'étaient encore pas tous rentrés, oui. N'est-ce pas. Est-ce que vous avez revu Fernand Segret après ? Jamais, je ne l'ai revu. Moi, je suis parti dans le midi, n'est-ce pas ? Oui, mais après le procès... Après le procès, jamais. Elle était jolie, Fernand, non ? Elle était pas mal. C'était une blonde, elle était pas mal. Elle était attrayante, elle était très fine, elle était souriante. Non. Et le fiancé du 134e d'infanterie ? Ah, je l'ai pas vu, je ne l'ai pas connu, celui-là. Ouais. Il a perdu Fernand, quoi. Enfin, vous savez ce que c'est, elle m'en a parlé plusieurs fois de ça. Mais vous n'avez pas eu la curiosité d'aller assister au procès, vous n'avez pas pu, peut-être. Non, j'étais à Versailles à ce moment-là, j'aurais pu assister à la guillotine aussi, mais ça ne m'intéressait pas. Ça ne vous intéressait pas ? Non. Vous n'avez jamais... Ce sont des choses qui ne m'intéressent pas beaucoup. Et d'autant plus des choses qui me font rire que de faire pleurer. Après, en 1921, j'étais 2 ans absent de Paris, je suis revenu à Versailles, au gouvernement militaire de Paris. Alors j'étais fixe à Versailles, j'étais à la caserne, comment déjà, des petites écuries. Partant en auto, je passais à Houdan. Avec le chauffeur, je dis, prenez la route de Gambet. On allait dans un petit village aux environs de Gambet. La route de Gambet, ça m'intéressait parce que je connaissais un peu de l'affaire Landru. Alors, j'arrive au village, je demande à un paysan. Le paysan me raconte, il faisait du feu la nuit, une fumée noire, et ça sentait la charogne. Textuellement les paroles du paysan, cultivateur, quoi. Alors, je lui dis, où est la maison ? Je vois une paysanne qui se trouve un peu plus loin, je lui dis, où est la maison ? Bon. Il me dit, ben, c'est à 150 mètres plus loin, sur la gauche, à côté du cimetière. Avant d'arriver au cimetière, il n'y avait qu'une. Une petite maison bourgeoise, assez coquette. Alors, je pénètre dans la maison. Nous pénétrons dans la maison, parce que nous étions plusieurs. J'arrive, il y a un puits, tape de terre, qui avait été vidé, creusé. Je ne trouvais rien, Ce qui m'intéressait, moi, c'est de trouver, et j'en ai trouvé. Dans le fond, n'est-ce pas, derrière la maison, il y avait une remise pour la petite voiture, petite camionnette. Qui était en profondeur, comme ça, qui venait s'accaboutait sur l'arrière de la maison. Alors, il y a des tas de cendres, haut comme ça. Qui était encore ? Ah, qui était encore. Alors, naturellement, la curiosité a voulu que nous fouillions dans les tas de cendres. J'ai retrouvé dedans 2 molaires. Et puis alors, une jartelle de femme, vous savez, la jartelle, madame, c'est bien ça, oui. Ça. En métal. Alors, naturellement, ce n'était pas pour homme, ça. Bah. Ouais. Et c'était resté 2 ans. Ah, c'était resté dans le tas de sang. Je l'ai trouvé dans le tas de sang. Et si j'avais voulu fouiller plus, j'aurais peut-être trouvé plus. C'est très curieux. Et la police n'avait pas fouillé à ce point. Ah, mais ils en avaient peut-être assez. Ils avaient peut-être des bridons. Ils avaient trouvé des choses pour moi. Ah, bah, vous savez, ça, c'est peut-être pas toujours fait. On sait rien. Enfin, vous n'avez pas eu l'impression que c'était des objets introduits après coup pour la curiosité des touristes. Peut-être, c'est possible. Ça, j'en sais rien, mais j'ai pas été de mal tout seul. Moi, quand je l'ai fait, j'ai regardé, n'est-ce pas? Et j'ai pris les 2 lampes et on les a achetés après, quoi. Et mieux que ça, après, j'ai couché dans l'hôtel rue de Paradis, par la force des choses, pendant la guerre, pour chez le bonhomme qui avait acheté la maison de Landru, pour en faire un hôtel de promenade. Un grill room. Oui. Il avait acheté la maison, il l'a revendue après. Puis il a revendu le fonds de commerce, aujourd'hui. Ah bon, parce que c'est devenu un hôtel. Un hôtel des environs de Paris, quoi. Oui, le week-end. Le week-end. Qui s'appelle comment ? Oh, je ne sais pas. Au grillon du feu. Au grillon du foyer. Eh bien, merci infiniment, monsieur Roll. Pour conclure cette première émission, puisque nous serons obligés, étant donné les dimensions de cette affaire, de lui en consacrer une autre, je vais interroger maintenant un témoin capital, celui qui a eu l'insigne honneur d'arrêter Landru, le commissaire Belin. Monsieur Belin, je vous donne la parole. Un matin des premiers jours d'avril 1919, je reçois un dossier concernant la disparition mystérieuse en 1916 de 2 Parisiennes, mesdames Colomb et Buisson. Je me suis toujours méfié des romans feuilletons. Mais tout de même, il est bien vrai qu'il naît au cours des guerres de monstrueuses affaires criminelles. L'Alsacien Trompmann, en 1870, a abattu dans la plaine de Pantin une famille de 7 personnes pour les dévaliser. Au cours de l'occupation dernière, le docteur Petiot, au son hôtel de la rue Le Sueur, a bien assassiné pour les dépouiller des patriotes désireux d'échapper aux griffes de la Gestapo. Je me mets donc immédiatement en campagne, muni du seul signalement de Landru, se faisant alors appeler Guillet. Nuit et jour, j'explore le 9e arrondissement. La chance finit par me favoriser et j'apprends enfin qu'il existe 76 rue d'Auchechoir un monsieur Lucien Guillet se disant ingénieur. Est-ce que ce n'est pas par une demoiselle Lacoste que vous avez retrouvé cette adresse ? Effectivement, mademoiselle Lacoste était la sœur de madame Buisson et c'est grâce à elle que j'ai obtenu cette adresse. Je cours donc 76 rue d'Auchechoir. Il s'agit bien de mon homme. Mais hélas, il est parti en province sans qu'on connaisse la date de son tour. Je n'abandonne point la piste, mais j'en arrive vite à la soirée du 11 avril 1919. Il était environ 11h du soir. J'avais passé une soirée agréable avec des camarades. Je rentrais chez moi en effectuant un détour par le 76 de la rue d'Auchechoir. Devant cet immeuble, mon cœur se mit violemment à battre lorsque j'aperçus de la lumière qui filtrait à travers les persiennes de l'appartement du soi-disant Guillet. 6 au premier étage. Pour pénétrer chez Guillet, il me fallait, en vertu de la loi, attendre le jour. Je monte la garde sur le trottoir, puis en accord avec le concierge, je pénètre dans l'immeuble. Il est 2h du matin, je m'installe sur le paillasson de Guillet. De cette façon, pensais-je, si je m'endors et si Guillet a l'intention de s'enfuir avant le jour, il lui faudra ouvrir la porte et me passer sur le corps. À 4h, un dernier locataire de l'immeuble regagne son domicile. Pour éviter toutes explications avec ce noctambule, je monte l'escalier et m'installe au 6e sur le palier. Le locataire pénètre au 5e étage. Ouf ! J'ai eu chaud. Puis au petit jour, c'est l'arrestation. Après bien des difficultés, Guillet se décide à m'ouvrir. Il est en pyjama, étriqué, maigrelet, la barbe en broussaille. Je le trouve ridicule. Il se refuse à me suivre. Et il me faut le déposer de force dans un taxi pour l'amener à mon bureau. En cours de route, je lui dis « Ah, c'est une très grave affaire que la vôtre, une affaire d'assassinat, même de plusieurs assassinats. »« Oh, dit-il, pas si vite, assassinat au pluriel, avec un S. Vous allez un peu fort, il vous faudra toutefois le prouver. » Je constatais alors que cet homme était farouchement décidé à se défendre. L'avenir allait me donner raison. Dans une poche de son veston, je découvre un carnet dont une seule page, la première, porte une écriture tracée en berronde de la main de mon détenu. Je lis aussi 11 noms dont mon enquête devait établir qu'il s'agissait des 11 victimes du misérable. Il fut également découvert à son domicile un nombre considérable d'autres carnets représentant un véritable annuaire d'une comptabilité méticuleuse avec des notes, des chiffres, des dates, car Guillet portait tout en compte. Aussi bien la sortie de 2 sous pour l'achat d'une boîte d'allumettes que les achats de charbon pour sa cuisinière de Gambet où il brûlait ses victimes. Toutes ces comptabilités furent accablantes pour ce monstre. Comme il aimait à le dire ironiquement à son procès, ses carnets furent le bréviaire de l'accusation. Je n'en citerai qu'un exemple digne d'une démonstration éclatante. La veille même de son départ à Gambet, d'où elle ne devait jamais revenir, madame Buisson avait invité à déjeuner sa jeune sœur, mademoiselle Lacoste. Les deux femmes parlèrent de l'avenir. À un moment donné, madame Buisson ouvrit son sac à main et compta l'argent qu'il contenait, 1035 francs. Retenez bien ce chiffre. Le lendemain du meurtre de madame Buisson, Guillet note sur son carnet. Un billet aller-retour pour Oudan, la gare qui dessert Gambet. Et un billet simple pour madame Buisson. Bien sûr, elle ne reviendra pas. Il note aussi l'achat de 200 kilos de charbon. Tout en bas de la page, il écrit ces mots. Récupération Buisson, 1035 francs. Donc, dès qu'il a tué la malheureuse, il s'empare de l'argent enfermé dans le sac à main. Je découvre également du Auchechoir un papier froissé sur lequel est griffonné au crayon un nom, Landru. J'ai ainsi identifié Guillet. Mais ce qui est stupéfiant, c'est qu'à mes débuts dans la carrière, j'utilisais toujours, lorsqu'il me fallait dissimuler mon identité, le nom de Landru. Ça, c'est inouï. Vous, commissaire Belin, vous vous appeliez Landru. Je me faisais appeler Landru dans les lieux où je ne devais pas dévoiler mon identité, ne pas attirer l'attention sur moi. Ça, c'est vraiment un hasard. C'est quelque chose, je vous répète, de formidable. Et d'où avez-vous tiré ce nom-là? Des souvenirs d'enfance, mais je ne sais pas. C'est une prémonition. C'est ainsi. C'est vraiment inouï. D'ailleurs, j'en ai la preuve, parce que depuis, je me suis rendu dans un hôtel dans la région de Melun, j'étais descendu, et j'ai demandé au barbetelier de vouloir bien me remettre la livre de police. Livre sur lequel, de ma main, j'ai écrit Jean Landru, c'est-à-dire représentant de commerce. C'est inouï. Bon, continuez, je vous en prie, je vous ai interrompu. Cette même perquisition me fait découvrir à Clichy une remise louée par Landru. Ce local est rempli de meubles, de literies. J'y découvre aussi des vêtements féminins, grand nombre, des dossiers étiquetés, reliés, qui contiennent des pièces d'identité au nom de 8 femmes, soit 8 femmes tuées par le sire de Gambet. Ces dossiers renferment également des quittances de loyer, du gaz, de l'électricité. Et c'est ainsi que je puis identifier les 11 victimes de Landru. À chaque adresse ainsi obtenue, il m'était invariablement répondu. Bien sûr, Madame X, oui, j'ai bien connu. Oui, elle a bien demeuré ici. Mais elle est partie en province pour se marier avec un barbu. Je connais pas le nom de ce barbu, mais depuis ce jour, j'ignore ce qu'elle est devenue. C'est le barbu qui a déménagé les meubles de l'appartement. À mes nombreuses questions, Landru se borne à dire. Des maîtresses, bien sûr que j'en ai eu. Vous aussi, n'est-ce pas? Pouvez-vous me dire, monsieur Belin, ce que sont devenues vos maîtresses? Et puis, vous oubliez que vous touchez, là, le mur de ma vie privée. Tandis qu'il me résiste, on m'apporte un pneu arrivé le soir même à son adresse. Une femme qui signe Nini lui fixe rendez-vous pour le lendemain dimanche pour se rendre avec lui à Gambet. Cette femme qui ne s'est jamais fait connaître vient sûrement d'échapper à la mort. En effet, Landru, à ce moment, ne dispose plus que d'une 50aine de francs et il lui faut payer son terme. Cette situation explique le voyage de Nini à Gambet. L'enquête de police est ainsi terminée. Est-ce que vous avez participé à l'instruction? Oui, naturellement. Oui, l'instruction a été menée par un juge qui s'appelait Monsieur Bonin. Et l'instruction de cette formidable affaire dura 2 longues années. Des fouilles effectuées à Gambet amenèrent la découverte d'ossements calcinés dont les experts affirmèrent qu'ils appartenaient à plusieurs corps féminins. Il fut aussi trouvé des baleines et agrafes de corset, des épingles à cheveux, le tout atteint par le feu. Landru a correspondu à l'aide d'annonces publiées dans des feuilles spécialisées avec des 100aines de femmes. C'est étonnant ce que les mots « Monsieur distingué et riche, recherche pour mariage, situation en rapport » peuvent rencontrer d'écho dans certaines âmes. Merci, monsieur le commissaire Belin. Merci d'avoir, avec une telle concision, fixé les souvenirs de votre enquête. La semaine prochaine, si vous le voulez bien, je vous demanderai de revenir pour témoigner sur le procès et sur l'exécution, en compagnie du reste, d'autres témoins de ces événements. C'était Soyez témoins, une émission d'André Gillois. Avec Madame Simone, Jean-Pierre Morphée, Jean Oberlé, et ce soir, quelques témoins de l'affaire Landru. Ont collaboré à cette émission Florence Lièvre et Gaston Morphée. Montage radiophonique de Jacques Guinchard. Pas de sadisme à redouter de notre part, donc suite et fin immédiate, car attendre une semaine, comme durent le faire les auditeurs de la chaîne parisienne, serait trop pénible. Une affaire admirable, un être mystérieux et monstrueux à la fois. Soyez témoins, une émission d'André Gillois. Nous allons donc reprendre aujourd'hui l'affaire Landru. Vous vous rappelez, ceux d'entre vous qui ont été à l'écoute la semaine dernière, que nous avons consacré à cette célèbre affaire une émission déjà, au cours de laquelle nous avons entendu plusieurs témoins, en particulier 2 d'entre eux qui avaient connu Landru et l'une de ses victimes, et nous avons entendu également l'homme qui a eu l'honneur de l'arrêter, le commissaire Belin. Le commissaire Belin, du reste, avait comme collaborateur, il faut le rappeler, le brigadier Riboulet qui est mort maintenant, et qui a eu l'honneur de déchiffrer les fameux carnets de Landru. Eh bien, nous allons recommencer à parler de cette même affaire. Vous allez entendre des témoignages passionnants et je vais demander à monsieur Belin de revenir quelques instants pour résumer cette affaire et ce qui en a été dit la semaine dernière. Monsieur Belin, nous vous écoutons. C'était en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, alors que 10 grands hommes d'État décidaient à Versailles de la paix. Pendant ce temps, un petit bonhomme voûté, chauve, barbu, assez laid, mais étrange, avec des yeux vifs et profonds, des yeux inquiétants, surmontés d'épais sourcils, plusieurs fois recherché par les polices de France, continuait à tuer impunément des femmes qui étaient amoureuses. Il se nommait Henri-Désiré Landru, était né à Paris, rue Bolivar, en 1869. Il a été même connu sous bien d'autres noms, tous noms d'emprunt sous lesquels il a fait 11 fois son métier d'assassin. De mars 1915 à janvier 1919, il a tué 11 personnes, dont 10 femmes, et un jeune homme, André Cuchet, dont la mère avait subi auparavant le même sort. Il fallait donc qu'il disparaisse pour qu'il se taise. La plupart de ces malheureuses d'âge mûr étaient d'anciennes servantes ou cuisinières disposant de quelques économies à bijoux. L'une d'elles pourtant, André Babelaine, avec 19 ans. L'étude des carnets de Landru permit d'établir qu'il avait retiré de ses abominables forfaits en tout et pour tout 72 000 francs. Très jeune, Landru manifeste une grande piété et fut même enfant de cœur à l'église de Saint-Louis-en-Lille. Marié avec une blanchisseuse dont il s'était séparé avant la guerre 1914-1918, il eut 4 enfants. Tout d'abord, comme architecte, il se lance dans l'exploitation de brevets de mécanique, commet de nombreuses escroqueries et est condamné 8 fois, dont la dernière par défaut, à la relégation. Vous venez de parler de sa femme et de ses enfants. Est-ce qu'ils ont figuré au procès? Est-ce qu'on les a vus? Oui, ils ont figuré au procès. D'ailleurs, les enfants voyaient leur père pendant tout le manège de Landru. Ils voyaient sa femme aussi, ce qui semble assez étrange. Mais n'empêche qu'ils se demandaient de temps en temps dans sa famille à Clichy, ils le voyaient. Alors, sa femme et ses 4 enfants étaient appelés à témoigner au procès. Est-ce que vous avez assisté au procès? Ben oui, j'ai assisté au procès. J'étais un des principaux témoins. C'est un vrai procès fleuve qui s'est prolongé pendant plus de 4 semaines. Un procès qui a attiré beaucoup de monde. Je me souviens même de ce détail. À cette époque, il y avait bien moins de voitures, n'est-ce pas? Il y avait un train qui conduisait aux assises. C'était un train qui partait des Invalides à 10h05. Eh bien, on l'appelait le train Landru. C'est assez drôle, c'est ainsi, n'est-ce pas? Donc, ce procès fut suivi par des personnalités mondaines de Paris, des artistes, non. Jusqu'à sa fin, Landru continua à ergoter et à ironiser. Une question de l'avocat général Godefroy, il s'écria: « Ma tête! Vous parlez toujours de ma tête. Je regrette de n'en avoir qu'une à vous offrir. » Apprenant sa condamnation à mort, après une brillante plaidoirie de maître de mort au Jaffry, il confia à celui-ci: « Si j'avais pu être sauvé, maître, cela ne pouvait être que par vous. Que voulez-vous? Dans toutes les batailles, il y a des morts. » Puis, sans émotion apparente, il quitta le box pour la dernière fois en boutonnant méticuleusement son petit pardessus jaune. Après s'être assuré que ses lunettes étaient bien dans ses poches. Et avez-vous assisté à l'exécution? Oui, j'ai assisté à l'exécution. Il fut guillotiné au matin du 25 février 1922, devant la prison de Versailles. À l'aube, sa cellule fut envahie par les personnalités officielles. L'une d'elles, un magistrat parisien, était inconnu de lui. Il l'interpella en ces termes, sans la moindre émotion. « Vous êtes chez moi ici. Monsieur, je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Veuillez vous présenter. Eh bien, croyez-moi, il faut pouvoir prononcer des paroles. Dans 5 minutes, le bourreau l'attend. » À l'abbé qui lui demandait s'il voulait entendre la messe, l'ancien enfant de cœur répondit: « Non, je crois que ce qu'il importe à présent, c'est de faire vite. » Puis, désignant le bourreau et ses aides, il ajouta: « Et puis, je ne veux pas faire attendre ces messieurs. » Merci infiniment, monsieur Belin. Je vais avoir le plaisir maintenant d'interroger, si j'ose dire, monsieur Bernard Godefroy, qui est tout simplement le fils de l'avocat général, dont le nom a du reste été cité au cours de cette émission, bien entendu, parce qu'il a eu une part importante au procès. Monsieur Godefroy, vous me semblez bien jeune pour avoir pu assister à ce procès, mais est-ce que vous y étiez tout de même? J'ai vécu cette affaire parce que naturellement mon père en a beaucoup parlé à la maison, et j'ai assisté moi-même à un certain nombre d'audiences. Et alors, est-ce que nous pouvons vous demander quelques détails qui nous éclaireront sur le personnage? Eh bien d'abord, je peux vous raconter une histoire qui s'est passée la veille du procès. Le dimanche, c'était un dimanche, M. Gilbert, qui était conseiller à la cour d'appel et qui devait présider la session d'assises à Versailles, déjeunait à la maison. Nous habitions à ce moment-là, boulevard Malesherbes. Et pendant le déjeuner, Madame Dugast, qui à l'époque était présidente de la Société protectrice des animaux, téléphona à mon père pour lui dire qu'elle avait retrouvé une des femmes de Landru. Sensation. Alors, j'aime mieux vous dire que les magistrats, je crois même que le docteur Paul était là, mais enfin, je ne peux pas vous l'affirmer, étaient assez émus parce qu'ils considéraient que leur procès ne pourrait pas avoir lieu. Mon père téléphona tout de suite au commissariat de police qui se trouve au 132 du boulevard Malesherbes, pendant qu'on lui envoie un inspecteur. Cet inspecteur alla chez Madame Dugast, qui habitait à l'époque rue Alphonse de Neuville, et ramena la personne que Madame Dugast croyait être une des femmes de Landru. Cette femme fut très longtemps interrogée à la maison, et il résulta que cette femme, qui était femme de charge chez Madame Dugast, était en rapport avec Landru, avait répondu à ses annonces, l'avait rencontrée une ou deux fois, mais n'avait jamais donné suite et, depuis plusieurs années, ne l'avait plus rencontrée. En tout cas, on a eu la preuve par là que c'était par des petites annonces dans les journaux qu'il faisait connaissance de ces femmes. Je crois que ce fut une preuve supplémentaire. Est-ce que vous pourriez nous faire d'autres confidences aussi intéressantes ? Mon père a eu entre les mains un rapport dont il n'a pas pu se servir parce que la personne qui avait fait des déclarations était mariée à l'époque. C'était une personne qui également avait été en rapport avec Landru à la suite d'une annonce qu'il avait placée dans un journal. Elle avait rencontré plusieurs fois Landru et elle s'était rendue un jour dans la villa de Gambet. Or, au moment où elle allait s'endormir, par un geste instinctif, elle plaça son bras ou sa main sous le traversin et sentit quelque chose de froid. C'était une cordelette d'acier qui était là, elle prit très peur, elle se sauva, elle était déshabillée, et je crois qu'elle se rendit directement dans cette tenue légère à la gendarmerie de Gambet, où là, elle raconta qu'elle avait eu peur, qu'elle avait fait la connaissance d'un monsieur sans donner le nom, et qu'elle demandait à la gendarmerie de la prendre sous sa protection. Elle passa la nuit à la gendarmerie, et le lendemain, elle rentra chez elle. Ce n'est que peu de temps avant le procès qu'on eut connaissance dans les milieux policiers de ce rapport de police dont on ne put se servir à l'époque puisque la personne était mariée. Mais enfin, on avait là tout de même une preuve et surtout on savait comment il tuait ses victimes. On a compris comme ça qu'il étranglait ses victimes avant de les dépecer et de les brûler. Eh bien ça, c'est un témoignage évidemment capital et d'autant plus passionnant qu'il n'a pas pu être recueilli à l'audience. Oui. J'ouvre une parenthèse pour dire que M. Godefroy a bien voulu venir jusqu'à notre studio chargé de documents et que ces documents extraordinaires devraient être dépouillés par des spécialistes et que l'on pourrait en tirer évidemment un volume. Mais enfin, sans entrer dans tellement de détails, pourrions-nous arriver alors à la fin de l'histoire, parce que je crois qu'avant son exécution, Landru a eu encore des rapports avec votre père. La veille de l'exécution de Landru, il a dû croire qu'il ne savait rien, il ne savait pas que son recours en grâce allait être rejeté. Il a demandé du papier, et dans sa cellule, il a écrit une très longue lettre à mon père. Je dois dire que cette lettre, mon père ne l'a jamais reçue, ne l'a jamais vue, il en a eu connaissance par le journal Le Matin, qu'il a publié la veille de l'exécution. Je crois que c'est Maître Moreau Jaffery qui a eu cette lettre et qui l'a communiquée au journal Le Matin. Lettre dans laquelle il proclamait encore son innocence. Il proclamait son innocence en disant qu'il n'avait pas voulu répondre parce qu'il était un galant homme, qu'il ne voulait pas compromettre des personnes qui lui avaient donné sa confiance et son amitié. Et dans cette longue lettre, il espérait que lui mourrait courageusement et sans regret et qu'il souhaitait à mon père d'avoir une mort paisible. C'est vraiment extraordinaire. Oui. Eh bien, je vous remercie infiniment, M. Godefroy, d'avoir bien voulu venir jusqu'ici et évoquer pour nous ces souvenirs tellement authentiques. Monsieur André Gallon, qui est dessinateur et qui était déjà dessinateur au moment du procès Landru, a bien voulu nous apporter son témoignage. Alors, cher monsieur, je vais vous demander vos souvenirs. C'est C'était d'autant mieux, je me rappelle, c'était mon début. C'était le premier reportage que je faisais pour le petit journal. Et vous avez suivi toutes les audiences? J'ai suivi toutes les audiences. J'avais plusieurs camarades qui ont fait autant, entre autres mon camarade Berings, qui est toujours en exercice, comme moi, et Don, qui vient moins souvent, mais enfin tout de même, et il y avait ensuite tous ceux qui ont disparu, hélas, depuis. Nous étions une vingtaine, une quinzaine de dessinateurs, une vingtaine qui sont venus presque régulièrement, assis bien sagement sur des petits sièges bas devant les jurés. Et nous avons fait notre Landru presque tous les jours avec tous les témoins, et Dieu sait s'il y en avait des témoins. Pour 11 affaires, c'était considérable. Oui, c'est pourquoi nous n'essaierons pas de reconstituer l'ensemble de l'affaire. Ce qui nous intéresse, c'est de cerner le personnage même. Le personnage était extrêmement curieux. Déjà, c'était un bonhomme chauve, avec une belle barbe bien soignée, un nez pointu qu'on l'appelait le renard. Il arrivait là très soigné, avec un pardessus mastic, un petit chapeau melon. Il saluait très poliment en entrant toute la salle. Et à partir de ce moment-là, il était le monsieur chez lui, tranquille, qui n'a jamais rien fait dans cet ordre d'idée-là. Il n'était pas avec nous. Et alors, quand on le questionnait, il sortait de ses petits papiers en disant « Mais moi, je ne sais pas ce que vous voulez dire. » C'est charmant, n'est-ce pas? Quand le président lui disait la fameuse phrase « Mais alors, Landru, voyons, cette femme est partie avec vous, vous avez pris un billet d'aller-retour et un billet d'aller simple. On l'a vu avec vous arriver. Vous êtes reparti seul 2 jours après. Qu'en avez-vous fait ?» Et là-dessus, il levait son doigt, c'est là où nous l'avons décidé combien de fois. Levait son doigt d'un air doctoral en disant « Monsieur le Président, c'est le mur de la vie privée. » C'était absolument... Alors, à la fin, le Président Gilbert, qui était d'ailleurs un homme charmant, et disait bien trop bon, disait « Oui, je sais, le mur, le mur, le mur. » C'était assez drôle. Maintenant, point de vue pittoresque de la salle, on n'a jamais vu ce que nous avons pu voir depuis, car Dieu sait si j'ai fait des audiences et des reportages en tribunal depuis. Je n'ai jamais vu ça. Le prétoire était à la fin encombré jusque... les gens s'asseyaient par terre. On a vu toute la Comédie française assise par terre, chevaliers, bistinguettes, etc. Et les gens ne s'en allaient pas sous sonnaient là de peur de perdre leur place. Et il y avait le photographe du Parisien qui mettait ses lampes, les lampes qu'il voulait pour pouvoir photographier. Il n'y avait pas de flash à ce moment-là, comme il voulait. On était chez soi, en un mot. Et les dessinateurs travaillaient comme chez eux. Il y en avait même un, Louis Maltès, qui avait apporté un chevalet. C'est vous dire que c'était pas. Il fixait avec son appareil. Alors, c'était vraiment pittoresque, je vous assure. Et alors, surtout qu'il y avait là les pièces à conviction, n'est-ce pas? Et chaque fois, ça changeait, bien entendu. Oui, avec chaque femme, il y avait... Chaque femme. Ah ben, il y avait évidemment les fausses perruques et puis les épingles à cheveux qu'on avait retrouvées. Mais il y avait aussi une salle à manger en réunion entière. On apportait là, n'est-ce pas? Il y avait de tout. C'était effarant, n'est-ce pas? C'est tout juste, il n'y avait pas le squelette du petit chien qu'on avait déterré. Alors c'était vraiment pittoresque, je vous cache pas que pour un dessinateur, c'était vraiment le rêve. On n'a jamais fait mieux. Et parlez-nous du regard de Landru. Il était faux. Presque toujours derrière des lunettes, la tête baissée, c'est le monsieur qui vous regardait de loin, comme nous disons. Sombre. L'œil sombre, c'est la carte sourcilière assez avancée. C'est le monsieur dont on ne discernait pas absolument le regard. Assez inquiétant. Assez inquiétant. Des mains très soignées. Un petit notaire de province. Je ne peux pas vous dire mieux. Eh bien, merci infiniment, André Galland. Nous allons recevoir, j'allais dire une déposition, le témoignage de M. Roger Lafont, qui est dessinateur et qui était aux audiences du procès Landru à titre professionnel. Oui, parfaitement. J'ai suivi toutes les audiences. À cette époque-là, je débutais comme dessinateur. C'est Dion qui m'avait demandé de venir avec lui, car nous étions très liés. Et j'ai dessiné pour des journaux américains, entre autres pour Paris Review, en fait, etc. Vous avez évidemment vu très souvent et dessiné, vous vous rappelez le visage de Landru. Comment était-il? Eh bien, un peu inquiétant, mais surtout un peu fouinard, comme une fouine. Et généralement, pour regarder les gens, il baissait toujours ses lunettes sur le bout de son nez pour regarder en dessus. C'est ça qui lui donnait un regard un peu trouble, comprenez-vous. Et il n'était pas aussi distingué qu'on veut bien le croire, mais il était surtout très soigné de sa personne, n'est-ce pas? Une belle barbe, complètement chauve. Je dois dire que M. Lafonce, il ne nous a pas apporté ses dessins, nous a apporté des photos prises à l'audience, et je constate que sur cette photo de Landru, il y a sa signature. C'est lui qui... Mais Landru était tellement persuadé les derniers jours qu'il serait acquitté, qu'il m'avait fait demander par maître de Moreau de Giaferi quelques dessins pour les garder en souvenir, et pour me remercier, Landru m'avait fait parvenir par Moreau de Giaferi sa signature sur une des photos de l'audience. Et à côté de la photo de Landru, je vois la photo de madame ou de mademoiselle Segret, Fernande Segret, qui est, je le rappelle, la femme qui était avec lui quand on l'a arrêtée, c'est-à-dire celle qui a échappé à la mort. Et je vois qu'elle vous a aussi dédicacé... Bon, c'est sa dernière fiancée, celle-là m'avait aussi demandé quelques dessins. Vous savez qu'on se donnait très facilement des dessins là-bas entre soi. Et Fernande Segret m'avait donné sa signature. Ce qui est amusant, c'est qu'elle non seulement a été épargnée, mais... Landru l'adorait. Elle m'a même donné, car je suis sorti avec elle deux ou trois fois avec un de mes amis qui voulait la faire engager dans un petit théâtre, n'est-ce pas ? Et elle nous avait donné quelques précisions un peu tout à fait troublantes. C'est que Landru, lorsqu'il avait le désir de l'honorer, ne faisait pas ça toujours comme tout le monde. Il décidait que ça se passerait à 3h30 du matin, par exemple. Et il mettait... un réveil, et c'est lorsqu'à 3h30 juste le réveil sonnait qu'il pouvait honorer madame. C'est intéressant, ça. Ça vous met bien en train, un truc comme ça. Cette femme, Fernande Segret, qui vous a raconté cela, n'en était pas choquée? Ah, toujours extrêmement étonnée. Mais comme sortie... Mais quoi, pas, c'est le seul effet que ça lui... Landru, n'est-ce pas, la dominait d'une façon absolument extraordinaire. Ah. Pour lui, c'était un garçon qui devait être très riche, qui était ingénieur, qui aurait pu aller l'emmener dans des pays étrangers. Enfin, elle avait un très gros espoir sur Landru, n'est-ce pas. Elle comptait se faire épouser d'abord. Et alors, quand elle a dû vous faire tout de même quelques confidences, quand on est venu, car c'est chez elle qu'on est venu arrêter Landru, quelle a été son impression? Enfin, ça a dû être extraordinaire. Ah, ça, elle ne vous l'a pas dit. Elle a été un peu suffoquée, n'est-ce pas? Mais tout ceci, elle a toujours été tellement bouleversée de cette aventure qu'après tout, elle ne savait plus ce qu'il fallait en croire ou pas. Elle croyait à la culpabilité de Landru ou non? Non, elle n'y croyait pas, la culpabilité de Landru. Après, elle a bien été obligée. Mais elle ne pouvait pas penser qu'une chose pareille, elle n'avait jamais rien vu d'extraordinaire lorsqu'elle avait même été à Gambay, comprenez-vous, même en se promenant. Ah, car il l'a emmenée à Gambay? Il l'a emmenée à Gambay, oui. Et alors, mais elle n'a rien vu, mais il ne s'est rien produit du tout. Elle allait, elle venait, il n'y a rien du tout. C'est ça, donc il les emmenait quelquefois à Gambay, il ne les tuait pas toujours la première fois. Il les emmenait à l'essai. Oui. Nous ne pouvons pas savoir, mais enfin tout de même, s'il n'y avait pas eu son petit calepin, et puis son tas de cendres, qui était assez considérable, dans lequel on a trouvé non seulement des morceaux de jartel, mais enfin des dents et des morceaux de doigts, sans ça jamais il n'aurait été condamné. Toute la combinaison de Landru consistait à amener que les femmes à venir avec lui, lui permettre d'apporter ses meubles, d'apporter ses actions, d'enlever du Lyonnais le petit peu d'argent qu'elle avait, et une fois qu'elles étaient là-bas, elles disparaissaient. Ouais. Maintenant, on nous a dit qu'on l'avait brûlé, c'est très probable, mais ce qu'il y a de fantastique, c'est de penser qu'il avait pu brûler tant de corps dans une cuisinière si petite. Avez-vous le sentiment qu'il exerçait une action hypnotique sur les femmes? Il avait certainement un regard très curieux, inquisiteur, mais pas dangereux à mon point de vue, n'est-ce pas? Un peu... Parce que je me rappelle qu'on a dit à il avait les yeux très enfoncés, n'est-ce pas, dans l'orbite. Et les sourcils très noirs. Mais enfin, je ne crois pas qu'il devait avoir une influence hypnotique sur les femmes. Je crois qu'elles n'aimaient que s'entendre dire des choses agréables, de leur promettre un tas de choses et de leur dire qu'on allait refaire une vie merveilleuse entre eux, n'est-ce pas? Et puis la villa de Gambay devait les... Et puis il y avait tout de même une villa, il y avait une camionnette, il y avait... Différentes petites choses. La petite maison à la campagne dont rêvent tous les Français. Oui. Il était extrêmement cruel parce que il y avait eu deux petits chiens et il les avait pendus. Il avait lui-même avoué les avoir pendus, ce qui est déjà une chose très péjorative chez lui. C'est quelque chose d'une cruauté. Tu demandes ? C'est là où je me demande d'ailleurs si le petit calepin n'est pas un aide-mémoire tellement nécessaire, même pour quelqu'un qui a beaucoup d'or, et si au contraire il ne le relisait pas de temps en temps avec plaisir. Oui, mais il marquait toutes ses dépenses, même à quelques francs près, n'est-ce pas? Et aussi ses recettes, par exemple. Et ses recettes aussi, bien entendu, qui étaient du reste extrêmement faibles, car il a fait ça pour presque rien. C'est toujours comme ça, les crimes, d'ailleurs. Mais comment expliquait-il ce carnet? Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il disait? À l'audience. Il a dit, c'est toujours retranché aussi derrière le mur de la vie privée, vrai, ne voulant jamais dire qu'il n'a jamais voulu compromettre aucune femme, n'est-ce pas, et qu'il n'était pas obligé de dire comment elle était rentrée, comment elle était repartie. Ouais. Il dit, prouvez-le-moi, je n'ai rien fait de mal. Mais véritablement, même une partie de la salle se demandait à un moment donné, surtout les derniers jours, dans les dernières heures, était persuadée que probablement il se ferait acquitter. Pas, la plaidoirie de Moreau de Giafferi avait été tellement extraordinaire qu'elle avait retourné. Oui. Vous savez que celui qui parle le dernier a souvent raison. Oui. N'est-ce oui. pas, et Maître de Moreau de Giafferi était un type prodigieux. Et quelle était l'attitude de Landru pendant la plaidoirie? Ah, mais très calme, absolument calme, comme un garçon qui écoute tranquillement. Comme si ça ne le concernait pas. Comme ça ne le concernait pas, c'est ça. Et pendant le réquisitoire et la partie civile? Mais il n'a jamais été ému. Monsieur, M. Lafont, merci infiniment d'être venu. Nous avons maintenant devant nous Monsieur Éauche. Monsieur Éauche commandait les brigades de gendarmerie de Versailles à l'époque du procès Landru, et à ce titre, il a assisté évidemment très souvent au procès. Je crois même que vous étiez dans le box à côté de Landru. Absolument. Bon, alors, vous avez eu l'occasion donc de parler avec lui. Ah, parler avec lui, non. Il ne parlait jamais. Il ne parlait jamais. Il ne parlait jamais, il ne desserrait pas les dents. Pendant les suspensions, on descendait dans le sous-sol, au panel de la cour d'assises, mais il ne disait pas un mot. Et vous n'essayez pas de le faire parler? Ah, on n'essayait pas. On voyait qu'il était muet comme une carpe, absolument. Jamais il n'a prononcé un mot? Jamais il n'a prononcé un mot. Vous avez des détenus, n'est-ce pas, qui vous racontent des histoires, qui vous racontent même des choses que la cour ne sait pas, quelquefois. Mais lui, rien. Pas un mot. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il était immobile, assis? Ah, il marchait, il allait, venait dans le sous-sol, c'est tout. Mais il vous donnait l'impression de l'inquiétude? Ah non, non, non, non, non. Il était absolument indifférent. Et on nous l'a décrit, n'est-ce pas, venant avec un chapeau melon et un par-dessus masqué, qu'il était toujours habillé comme cela. Toujours. Et alors, toujours. Quand il s'en allait pendant la suspension de l'audience, il remettait son chapeau, comment? Il descendait, d'abord il sortait de la salle d'assises, et puis il remettait son chapeau. Et puis quand il entrait, il enlevait son chapeau, un melon toujours, il faisait une gracieuse révérence du côté de la salle, et il s'asseyait. Il s'asseyait. Et comment est-ce que ça se passe? Il avait les menottes ou pas? Ah non, non, on ne les met pas. Pas pendant le procès. Bon. Donc il était très digne. Il était libre. Libre, bon. Oui. Quelle impression vous a-t-il fait? Écoutez, l'impression, non, ça n'est pas mauvaise. Pas, l'impression, c'est pas ces gens qui se flattent ou qui veulent se dérober à leur responsabilité par le fait que je vous dis qu'ils ne disaient rien. Oui, c'était une façon de se dérober tout de même. Une façon de se dérober tout de même, oui. Mais je crois que monsieur veut dire qu'il ne cherchait aucun réconfort, qu'il n'avait pas besoin de sollicitude, quelquefois dans un cas pareil, on quête en effet un regard, un mot d'encouragement. Ah, rien, absolument rien. Une indifférence absolue. Absolue. Est-ce que ça vous paraissait normal, cette indifférence? Non. Non, on voyait que c'était quelqu'un qui avait quelque chose sur la conscience, n'est-ce pas? C'est vous qui le reconduisiez à la prison? C'est les gendarmes qui le reconduisaient. Les gendarmes. Oui. Ils allaient chercher à la prison avant le procès, et puis le procès terminé, ils le reconduisaient. Et aucun de ces gendarmes n'a parlé avec lui? À personne. Jamais? À personne. Physiquement, comment le voyez-vous? Bon, il est pas mal. Pas mal physiquement. La tête bien tourné, bien protelé. Il était tout petit, non? Non, c'est moyenne. Ah non, pas petit. Très soigné, on nous il dit. Il avait... très soigné. Oui. Très soigné. Il faisait peut-être 62 ou 3. Oui. Oui, au moins 63. Et son regard? Son regard était fuyant. Fuyant. Il ne vous regardait pas en face. Et au cours des audiences pendant lesquelles vous l'avez tout de même regardé, il n'y a jamais eu dans son regard de différence, il n'a jamais fixé personne, il ne regardait personne. C'est-à-dire, n'est-ce pas, nous étions assis à côté de lui. Alors, donc, il avait la vue libre sur la cour. Oui. N'est-ce pas? Alors, vous le voyez de profil, vous ne le voyez pas naturellement. C'est ça, mais pas. Il regardait toujours la cour ou quelquefois la salle? La cour. Et avec son avocat, avec Maître Moreau de Giafferi, est-ce qu'il parlait quelquefois? Non. Pas souvent. Souvent. Quelquefois, Monsieur Moreau de Giafferi venait, demandait des renseignements, demandait un petit détail. Par exemple. Enfin, pas très. Vous n'entendiez pas ce que demandait. D'ailleurs, Monsieur Moreau de Giafferi n'était pas toujours là. C'était son secrétaire qui était là, en principe. Lui, il venait, mais enfin, pas tous les jours. Et oui. Vous n'avez jamais remarqué pendant toute la succession des audiences un moment où il aurait trahi une inquiétude, une nervosité dans un tremblement des doigts sur une question? Jamais. Non, toujours. Mais monsieur Hoche, vous nous avez apporté une photographie très intéressante où Landru se dresse comme un polichinelle dans sa boîte et il a l'air là de perdre son sang. C'est parce que le président l'interpelle ou l'avocat général. Mais alors là, il a l'air de perdre son sang-froid. Là, il se défend. Là. Oui. Il se défend. Oui. Mais quand il se défendait comme ça, il était assez mort. Il était mordant. Oui. Ah oui. Hein, je voulais dire à l'avocat général, oui, je ne sais pas, il lui a posé une question, je ne me souviens pas exactement quel sujet. Il dit, oui, monsieur l'avocat général, c'est une main de fer sous un gant de velours. En parlant de lui. Nous allons maintenant demander son témoignage à un homme qui a suivi parfaitement les audiences du procès Landru, puisqu'il y était photographe. C'est monsieur Moreau, Albert Moreau. Donc, vous avez été d'un bout à l'autre à Versailles? Oui, tous les jours. Tous les jours. Et vous avez pris une quantité de photos de Landru? Oui, j'en prenais une vingtaine tous les jours. Parce qu'il faut vous dire que dans ces photographies d'audience, il faut poser. Et on n'avait pas comme maintenant des flashs, n'est-ce pas? Il fallait poser 3-4 secondes. C'était très mal éclairé. Landru était à contre-jour. Et on en ratait. Bien alors, entendu. Pour en ramener une bonne douzaine, il fallait en faire au moins 20 ou 24. Mais pour exercer votre profession, est-ce que vous ne demandiez pas à approcher du box? Vous n'avez jamais pu le voir de près. J'étais entre Maître Moreau de Giafferi et à son côté, et Maître Moreau de Giafferi avait Maître Lagasse devant lui, qui était de la partie civile pour une des victimes. Oui. Et vous étiez donc à côté j'étais du box. J'étais à côté de Maître Moreau de Giafferi. Donc, puis d'ailleurs, je vous dirai qu'à ce procès-là, eh bien, au bout de quelques jours, bon, on faisait un peu ce qu'on voulait. Il faut dire que Monsieur Gilbert, le président, nous le connaissions depuis longtemps quand il était juge d'instruction. Alors, il nous connaissait. Et puis, il s'était établi une chose, c'est qu'on avait rendez-vous à la gare des Invalides. Et magistrats, rédacteurs, dessinateurs, photographes, on faisait le trajet ensemble. C'est presque les magistrats qui nous demandaient d'aller faire Landru de telle façon ou de telle autre. Et c'est comme ça que j'ai pu faire Landru pendant des suspensions d'audience. On suivait... Quand il regagnait l'espèce de cave par où il apparaissait, qui est en dessous du box des accusés, alors on suivait, et puis avec les deux gendarmes qui étaient là, on faisait la causette. Et est-ce que vous avez pu parler à Landru à ce moment-là? Mais comme je vous parle en ce moment. Mais est-ce qu'il vous répondait? Mais bien entendu. Alors qu'est-ce qu'il vous a raconté? Je ne causais pas du procès, bien entendu. Mais on causait de photographie, oui. On parlait d'imprimerie, car je crois qu'il avait été un peu dans l'imprimerie. Dans l'imprimerie, je sais qu'il a été rue des Boulets. C'est là qu'il a commis ses premières escroqueries. Rue des Boulets, c'était prometteur. Oui. Oui. Et alors, il en avait toujours gardé une certaine amertume. Et je sais qu'une fois, il a dit... Bien, moi, on m'a bien escroqué. Pourquoi n'aurais-je pas escroqué les autres? Et puis, alors, je lui faisais signer des photos. Tout le monde me demandait, et vous ne pourriez pas me donner une photographie avec la signature de Landru? Et alors... Il les donnait volontiers. Oh, de moi... T'es flatté. Mais oui. Vous le visiez naturellement pour le prendre, mais est-ce que vous le regardiez? Quand on fait ces photographies-là, il faut... qui ne bouge pas d'un millimètre. Mais alors, ouais, comment était-ce possible? Vous lui demandiez de ne pas bouger? Non, mais il ne bougeait pas. Ah bon? Quand il nous voyait, ben, il ne bougeait pas, il ne demandait pas mieux. Qu'est-ce qui vous a frappé dans son visage? Eh bien, son regard vacillait. Tantôt, c'était sur le président, tantôt les jurés, la salle, avec le boucan qu'il y avait dans la salle, n'est-ce pas? Mais étant donné que lorsque vous le photographiez, il se laissait photographier volontiers... Ben, c'était surtout... à moi, à saisir le moment où il était... regarder autre chose, n'est-ce pas, et d'appuyer sur mon déclencheur. Oui, il ne regardait pas vers l'appareil, il n'allait pas jusqu'à là. Il y a des fois qu'il regardait, par exemple, le soir du verdict, nous avions mis avec un camarade près de sa tête, Nous avions acheté une grosse lampe, n'est-ce pas? Et nous l'avions vissée pendant la suspension d'audience, pendant que les jurés délibéraient. Et quand il est revenu, nous nous étions en place pour le photographier au moment du verdict. Et la première fois que j'ai vu sourire Landru, c'est quand le président lui a dit « Et Landru, vous aurez la tête tranchée sur une place publique. » Alors là, il a eu un sourire. C'était le premier que j'ai vu pendant tout le procès. C'était une espèce de mépris, d'après vous le... Il n'y croyait dédain, peut-être pas. De dédain. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on pourrait dire. Je vous remercie infiniment. Nous allons demander maintenant son témoignage à notre ami Michel Georges Michel, qui était évidemment du procès Landru comme il était de toutes les fêtes. Vous avez assisté aux audiences. À très peu d'audiences. C'était assez sordide d'ailleurs. Et ce qui m'a intéressé bien plus que la physionomie de Landru, c'était la physionomie de la salle. Voir toutes ces femmes demi-dames du monde, des vedettes de music-hall, il y en avait déjà, des dames un peu moins huppées, si j'ose dire, qui se mettaient du rouge, de la poudre, qui mangeaient, mais surtout qui regardaient Landru avec des yeux avides. Un peu ce que je voyais aux courses de taureaux, par exemple, au moment où on allait exécuter le taureau. Ce sont d'ailleurs ces femmes-là qui ont formé, avec quelques cabarets de Montmartre descendus jusqu'à Versailles, ce que nous autres journalistes, nous avons appelé le train de plaisir. Vous avez assisté à l'exécution ? Ah, j'ai assisté à l'exécution. Il y avait d'ailleurs un barrage de cavalerie qui a arrêté tout. Et derrière ce barrage de cavalerie, une assez grande quantité d'automobiles qui donnaient de tous leurs phares, ce qui créait une sorte de fantasmagorie presque de fête. On a fait éteindre ses phares quand on a monté la guillotine. Et je me rappelle, entre les deux montants, il y avait une affiche de cinéma avec ce titre, « Le dernier baiser ». Nous avons attendu tous les journalistes qui étaient là, j'étais là pour Excelsior, dans un petit cabaret qui se trouve juste en face de la prison. Et il y avait très peu de monde, vraiment, autour de la guillotine même. Il y a un jeune ecclésiastique qui avait fait la guerre, qui était très décidé, qui semblait être une sorte de maître de cérémonie, des blaires qui se promenaient les mains derrière le dos. Il n'y avait pas eu d'exécution depuis plus de 20 ans à Versailles. Sauf 7 depuis 1913, il est samedi. Alors, on a fait taire tout le monde. Et quand la porte s'est ouverte de la prison, après une très très longue attente, nous avons vu Landru. Avec un affreux buste décolleté jusqu'au sein, comme de cire. Et une tête presque guignolesque. Avec la barbe très noire, le crâne très rouge, et quand elle est tombée véritablement comme une tête de bois. Entre la prison et la guillotine, il a regardé à droite, à gauche. En secouant la tête, il a eu l'air de dire « Ah, vous y êtes arrivé, vous m'avez eu, oui, oui. » Il était tout de même extrêmement courageux. Ben, il était porté par les deux aides, n'est-ce pas ? Parmi les personnes qui étaient là au moment de l'exécution, est-ce qu'il y a eu à ce moment-là les mêmes excès que pendant les audiences ? Non, tout de même, il y a eu un silence, c'est très impressionnant, une exécution capitale. Oui, j'entends bien, mais vous étiez tout de même un certain nombre de personnes qui se connaissaient. Est-ce que vous échangiez des propos ? Vous avez parlé, j'imagine, de Landru à ce moment-là ? Non, il y a un journaliste qui a dit, c'est curieux, il a la tête du Verlaine de Carrière, ce qui est épouvantable. Et il ressemblait vraiment, en mettant la barbe plus noire, il ressemblait avec ce crâne énorme, car il avait un assez gros crâne, il ressemblait un peu au Verlaine de Carrière. Mais tout de même, Verlaine avait le nez camu, il n'avait pas ce long nez pointu. Moi, je lui ai vu un nez camu et pas du tout un nez pointu à Landru, toujours. Les photographies qu'on nous a montrées sont d'un museau de renard. Les photographies sont quelquefois déformées. Alors, nous sommes revenus avec Giaferi, qui était extrêmement ému. Il nous disait, comme disaient les gardiens, c'était un homme très agréable, mais oui, très agréable. Quelques-uns le prenaient pour une manière de saint. J'en pleure presque, regardez mes yeux. Mais j'en ai ma claque et je m'en vais. Votre impression sur Landru, est-ce qu'il y avait une différence considérable entre le début et la fin, par exemple ? Non, c'était un bonhomme en bois. Il faisait l'effet d'un homme en bois, sans émotion, de temps en temps regardant, d'un air un peu sournois. Merci infiniment, Michel Georges Michel. Je vais maintenant demander à notre ami Claire Guyot, qui nous a raconté le prologue de l'affaire Landru, de bien vouloir nous raconter l'épilogue auquel il a assisté. C'est seulement au moment de l'expiration de ces crimes qu'à Versailles, je revis Landru. Le temps que, soutenu par les aides du bourreau, il franchisse 3 mètres entre la porte de la prison que l'on venait d'ouvrir et l'échafaud dressé pour lui sur le trottoir. Brève et poignante vision qui avait été précédée au cours de la nuit d'incidents typiques dont j'ai été témoin et qui mérite d'être appelé. Qu'on se rassure, il n'avait rien d'effrayant, bien au contraire. Comme chaque fois en pareil cas, on ne peut le nier, nombreux étaient ceux curieux d'assister à l'exécution capitale d'une aussi retentissante vedette du crime. Mais d'autre part, en haut lieu, on avait décidé de repousser, hors de portée de vue sur la guillotine, non seulement le flot de la foule indésirable, mais aussi tous ceux qui, sans obligation sérieuse de se trouver là, auraient réussi à se faufiler, à se placer clandestinement. L'application de cette décision catégorique était en même temps ou plus facile ou plus compliquée du fait que la prison de Versailles est en plein cœur de la ville, accolée au palais de justice et en face des bureaux de la préfecture de Seine-et-Oise. La nuit de l'exécution, dès après minuit, il est indiscutable que ce quartier présentait une animation inaccoutumée, surtout à pareille heure. Il y avait une foule de badauds qui avaient décidé, au dernier moment, de tenter leur chance pour voir quelque chose. Mais étaient venus également les petits malins qui, dès l'annonce de l'exécution, avaient loué des places, particulièrement dans les chambres d'un modeste hôtel dont les fenêtres s'ouvrent à moins de 30 mètres de la porte de la prison, devant laquelle serait dressée la guillotine. Ils escomptaient être là, comme aux premières loges, pour voir comment Landru marcherait au supplice. Vaine odieuse prétention. En même temps que l'habituel vieux fourgon chargé des bois de justice, arrivait près de la prison un puissant service d'ordre, soldats pour former des barrages et agents. Ces derniers, avec beaucoup de ménagements affectés, dégageaient radicalement la zone d'où l'on pouvait voir ou seulement entrevoir l'exécution. Ce n'est pas tout. Une fois les rues dégagées, les policiers visitèrent l'hôtel et les maisons dont les fenêtres avaient été louées à bon prix. Sans pitié, ils expulsèrent jusqu'aux limites convenues les intrus, amateurs de l'affreux spectacle. Et au nombre de ces derniers, Maurice Chevalier et Mistinguette, découverts réfugiés silencieusement dans une des chambres du modeste hôtel, durent évacuer la zone interdite. Le dégagement désiré était réalisé, bien avant le lever du jour. En plus des contingents du service d'ordre et des journalistes très nombreux, il faut bien l'avouer, on ne voyait plus là que ceux très rares, munis, pour de secrètes raisons, du laissez-passer spécialement imprimé pour la circonstance. Ainsi, il était possible de se tenir sans bousculade, sitôt derrière les agents alignés à quelques mètres le long des flancs de la guillotine. C'est là que nous étions postés, les journalistes, avec une résignation toute professionnelle. Près de nous se tenait un étrange témoin, vêtu d'un splendide mais surprenant complet gris-perle de bonne coupe, coiffé d'une sorte de large sombrero de la même tendre couleur. Presque exubérant, il révélait à qui voulait l'entendre qu'il devait à son ami, maître Moreau de Jaffery, défenseur de Landru, le coup de fil qui lui permettait d'être là. Ce que nous prévoyions arriva inévitablement. Lorsque cet étrange témoin vit à moins de 5 mètres de lui le corps sans tête de Landru basculer dans le panier, il flageola et se serait écroulé sur le trottoir si par pitié, pour préserver des souillures du sol son beau complet gris, nous ne l'avions soutenu un bon moment. Après l'exécution, comme nous interviewions maître Moreau de Jaffery pour savoir comment son client s'y était comporté avant de monter sur l'échafaud, il nous répondit qu'au dernier moment, alors qu'on allait ouvrir la porte de la prison, il lui avait demandé « Voyons Landru, avant de mourir, vous allez bien me confier votre secret. « Faut bien que j'emporte quelque chose dans ma tombe, » répondit-il avec sa coutumière assurance. Le dernier acte de l'affaire Landru était terminé. Mais longtemps, très longtemps après, étrange notoriété, il arrivait parfois qu'un titi de la rue, pour accabler un barbu dont il avait à se plaindre, lui lançait avec mépris « Va donc, Landru !» Nous venons donc de consacrer une seconde émission à cette affaire Landru, à laquelle du reste on pourrait en consacrer bien d'autres, mais il faut nous limiter. Quel malheur, c'est une affaire admirable. Eh bien, chère Simone, ce cri du cœur me permet d'évoquer le sentiment d'un certain nombre de femmes qui ont connu Landru, bien que vous ne l'avez pas connu. Ah, c'est pas parce que je l'ai connu que je dis ça. Parce que c'est un personnage fascinant. Ah oui, parce eh bien, que je c'est voudrais... très intéressant de retrouver ce qu'étaient ses raisons de succès. Mais écoutez, je vais vous lire quelques lignes d'une des lettres que j'ai reçues, car j'ai reçu en dehors des témoignages parlés que nous avons entendus, j'ai reçu naturellement une quantité de lettres. Parmi ces lettres, je voudrais lire ces quelques lignes d'une dame qui écrit qu'elle n'oubliera jamais le petit train de banlieue, etc. Le cœur battant, la tête en feu, craignant chaque jour que je ne parviendrai pas à pénétrer dans la salle, et j'y pénétrais chaque fois avec des ruses inconcevables, un enthousiasme, etc. C'est pour le procès. Oui, je l'ai vu, elle parle de l'ombre. Oh là là. Et je ne pouvais plus détacher mon regard de cet être mystérieux et monstrueux à la fois. Cette femme se souvient évidemment de la fascination de cet être. Et c'est de cela que nous pourrions parler un tout petit peu, si vous voulez bien, parce qu'il ne s'agit pas pour nous de refaire le procès Landru, mais d'essayer de restituer le personnage psychologique qu'il a été. Est-ce Simone. Que vous ne croyez pas que ce qu'écrit cette dame... que la fascination-là était causée par ce qu'elle savait de lui. Si elle l'avait rencontré, n'est-ce pas, rue du Bac, eh bien, sans savoir, il est fort probable qu'il ne l'aurait pas fasciné. Évidemment, puisque sa lettre commence, je devais avoir 17 ans, le désir de voir cet homme, d'assister au procès, m'a pris à la gorge invincible. Oui, c'est ça, oui, c'est tout à fait différent. Là, je crois que nous ne pouvons pas juger de ce qu'étaient les moyens de séduction de Landru. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense mon cher Jean Oberlé. Mais il me semble, moi, qu'il y a eu beaucoup chez toutes ces femmes, d'après ce que nous avons entendu, le désir de s'établir. Elles ont dit, voilà, un homme, il a une maison de campagne, il a une voiture, il parle bien, il est aimable, il fait des frais, ce qui est en général assez rare, pas au début, mais enfin un petit peu après. Est-ce que ça n'est peut-être pas tout à fait ce qu'il me faut, que je vais m'établir? C'était des femmes qui avaient des tout petits magots et qui avaient une salle à manger en rideau, et puis c'était ça, n'est-ce pas? Ils travaillaient dans un tout petit milieu. Il travaillait pas dans la beauté non plus. Mais il est évident que cet homme-là devait être un bavard intarissable, leur raconter des trucs invraisemblables. Quand on voit les photos que nous avons vues, parce qu'il y a eu des photographies extraordinaires tout de même, c'est pas ça, celle qui est dédicacée surtout, il est absolument sans le moindre intérêt, sauf qu'il y a quelque chose d'excessivement cruel dans son visage. Ah, puis alors, il y a autre chose. Il y a cette espèce de museau de renard. Mais ce que tout le monde, tous nos témoins ont dit, il était extrêmement soigné. Je crois que c'est le sans-intérêt dont parlait Jean Oberlé qui est rassurant. Elle se serait peut-être méfiée de ce qui était à l'époque le physique du danseur mondain. Quelqu'un nous a dit qu'il avait le nez camus, je ne sais pas où il avait la tête, c'est malheureux, car on ne peut pas imaginer un nez plus pointu, plus long, plus caractéristique, enfin d'un museau que n'avait cet homme. C'est vraiment le renard dans le poulailler, celui-là, carrément. Ce qui est très intéressant du point de vue qui nous occupe, c'est justement que nous voyons comment est née la légende Landru. Il y a au départ un petit escroc qui séduit des femmes qui ne demandent qu'à être séduites pour des raisons purement alimentaires. Et puis, comme on sait que cet homme a tué 12 femmes, les gens commencent à se dire que ça devait être un séducteur. Et les femmes viennent le voir au procès fascinées par l'être qu'elles ont imaginé. Car le fameux regard fascinateur, il n'existait pas d'après tout ce qu'on nous a dit, puisqu'il avait au contraire le regard fuyant. Est-ce que vous croyez que les hommes fascinent les femmes parce qu'avec les yeux ou avec la parole? Moi, c'est vous qui devriez savoir ça, dites donc. Moi je dis que c'est avec la parole. Enfin, ça ne prend pas beaucoup sur moi parce que je suis tellement bavarde que je leur coupe leurs effets. Mais je crois que pour la plupart des femmes, le baratinage passe avant tout. Vous ne croyez pas? Bon, d'autant plus qu'il était méticuleux dans son comportement. Il devait leur dire, vous avez quelques meubles, je vais vous les déménager, je vais vous arranger ça. L'histoire de l'arrestation au lion de faïence, c'est quelque chose d'admirable, parce que c'est l'homme d'intérieur qui va choisir un service aux frais de la dame, naturellement. Non, service à poisson, un truc comme ça, insensé. Remarquez qu'il a été perdu par l'amour, car s'il n'avait pas eu ce goût particulier pour cette personne qui n'a pas mis dans la cuisinière, il n'aurait pas eu besoin de monter son ménage, il n'aurait pas été au lion de faïence, on ne l'aurait jamais attrapé. C'est le sentiment qu'il l'a perdu. Voilà, c'est comme... Il a perdu son sang-froid par le sentiment, par l'amour. Toujours la même chose, fuyons la passion. C'est un homme comme les autres. C'était « Soyez témoins », une émission d'André Gillois. avec Madame Simone, Jean-Pierre Morfait, Jean Oberlé, et ce soir, quelques témoins du procès Landru. Ont collaboré à cette émission Florence Lièvre et Gaston Morfait. Montage radiophonique de Jacques Guinchard. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 4 avril 1956. Vous pourrez réécouter ces deux volets de l'émission Soyez témoins consacrée à l'affaire Landru et les télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.